franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Nous nous rendons aujourd'hui à Épinal, au sud de la Lorraine. À proximité de la Belgique, Épinal bénéficie d'une situation privilégiée au cœur de l'Europe, aux confins de... Rencontrer trois capitaines avec mes merci Margaret, aux confins de ce que l'on appelle la banane bleue. Avec mes sabots. Voilà. Alors nous accueillons Hélène d'Épinal. Bonjour Margaret, bonjour Philippe. Bonjour Hélène. Hélène qui s'appelle Hélène, qui est une fille comme les autres. Alors, Hélène, avec ou sans les garçons? Margaret, décidément, tu es d'une humeur bien guillerette aujourd'hui. Oui, et bien Philippe, c'est ma manière à moi de lutter contre toute cette morosité ambiante, le chômage, la crise, la maladie, le triple A, et que sais-je. La vie est belle, c'est important de le rappeler et d'en profiter. Il faut rire de tout, même du malheur des autres. Alors, Hélène, qu'est-ce qui vous turlupine, hein? On écoute. Oh, il n'y a rien qui va entacher votre bonne humeur, Margaret. Eh ben, tant mieux. Ben voilà. C'est un petit malaise, en fait, que je... Comment dire, que j'éprouve. Parce que... Parce que quoi, Hélène? Comment? Oui, vous dites, c'est un petit malaise que j'éprouve, mais parce que quoi? Ah bah, c'est ce que j'allais vous dire. D'accord, allez-y Hélène, on vous écoute. Oui. En fait, j'éprouve un petit malaise par rapport à quoi? Ben, par rapport au fait que je suis, vous êtes je suis tombée sur quelque chose qui vous a déplu. Non, pas qui m'a déplu, non. Qui ne veut pas déplu, plutôt... mais plutôt qui vous met mal à l'aise, oui. Voilà, quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. Voilà, oui, voilà. Je suis tombée sur le journal intime de votre fille. Ah là là là, ouais. Le journal intime, c'est très féminin ça, ouais. Le journal intime. Oh, ben, je sais pas. Enfin, quand même, Lord Byron, par exemple, il a écrit un journal. Oui, c'est bien ce que je dis. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez eu le temps de lire? Ah ben non, j'ai pas pu. Ah oui, elle est rentrée trop tôt de l'école. Zut. Non, j'ai pas pu parce que c'est un journal intime, donc c'est pas fait pour elle, c'est par d'autres. Bon, enfin, vous n'êtes pas une autre, vous êtes sa mère. Ben, moi, si j'avais un journal intime, j'aimerais pas qu'elle le lise. Bah, oui, c'est normal, c'est votre fille. Oui, donc Hélène, vous n'avez rien lu du tout? Le carnet était ouvert sur son lit, je suis rentrée pour ranger sa chambre et j'ai vu, mais j'ai même pas lu, hein. J'ai juste vu une petite phrase qui m'a un peu troublée. Ah, et quelle est cette phrase? Bah, ça m'embête de dire ça à la radio, ces mots que j'ai l'impression de la trahir. Ça reste entre nous, Hélène, allez-y. Ouais, mais... Il y a des milliers d'auditeurs. Oui, mais enfin, je vous rappelle que je suis médecin, que mon épouse est psychothérapeute et que nous sommes tenus au secret médical, Hélène. Voilà, alors allez, elle a dit quoi? J'ai compris que... En fait, qu'elle avait fait l'amour avec son petit copain. Oh wow, d'accord. D'accord. Ah oui, elle a quel âge? Elle vient d'avoir 16 ans. Alors, avec qui elle a... Avec son petit copain. Oui. Et je crois que pour lui aussi, c'était la première fois. Mais dis donc, Hélène, vous qui disiez que c'était pas trop grave... Non, mais on en a parlé, je suis sûre qu'elle se protège. Ben, la preuve que non. Si, je suis certaine qu'ils ont utilisé un préservatif. Ouais. Non, mais attends, parce que ce que je comprends pas, moi, c'est que, vu qu'on en parle toujours assez librement avec ma fille, moi, je suis surprise qu'elle m'ait pas parlé de ça, qu'elle m'ait pas dit que ça y était. Oh. J'ai peur que quelque chose soit mal passé, quoi, qu'elle ose pas m'en parler. Oui, ben, regardez dans son carnet. Mais non, on n'a pas ce genre de rapport, je peux pas dire ça. Écoute, Hélène, vous voulez savoir si votre fille est en danger ou non, en gros, pour la faire courte? D'accord. Il est à portée de main, ce carnet? Ouais. Bah alors, prenez-le et ouvrez-le à la page incriminée, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais chercher. J'ai honte, quand même. Allez, Hélène, c'est fou, ça, quand même. On dirait qu'elle a fait quelque chose d'horrible qui porterait atteinte à l'intimité de sa fille. C'est que le journal intime d'une ado, ça va, c'est bon. C'est le monde à l'envers. Ouais, ouais. Alors? Allô? Oui, oui, alors? Hier, maman, elle m'a laissée toute seule à la maison. Du coup, Eric est passé pour qu'on regarde un DVD. Il m'a embrassée. Mmh. Et là, il a commencé. Mmh. Oh là là, en fait, ça a l'air d'avoir été très joli. Oh, ma fière, très amoureuse. C'est... Oh, je regrette. Oh, d'accord. Il portait... Est-ce qu'elle dit comment ils étaient habillés? Qu'est-ce qu'elle portait comme dessous comme, Je me sens nulle. Elle dit qu'elle va m'en parler ce week-end. Oh, j'aurais jamais dû lire son journal. Mais c'est pas... Mais, écoutez, vous jouerez la surprise et puis voilà. Ça vous laissera surtout, Hélène, le temps de bien préparer vos arguments pour la disputer et trouver la punition adéquate. Ah non, mais je vais pas la punir. Elle a pas fauté. Elle a pas fauté. D'accord. Bon, d'accord. Eh bien, merci, Attends. Hélène. Non, ah, bon, d'accord, très bien. Elle a pas fauté. Voilà. OK. Je me demande à quoi on sert, Philippe, parfois. En tout cas, merci, Hélène, pour cette leçon, hein, d'une certaine manière. Merci, Yann, de nous avoir si joliment mis en onde. Yann Chouquet. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.